more time. On cherche le bonheur mais sans jamais lever trou. L'ennemi est dans la casserole en train de cuire à feu doux. Je pense déjà à l'argent que je vais jeter tout. On veut me percher que le poison est dans les gels doux. Je te parle d'écologie dans un V12. Je viens tout doux, chamboulé comme le divorce. T'as fait la soirée, l'after, même le bivore. Nous verrons tout tard qui est le plus fort. Je te suggère d'économiser tes forces. Ferme la porte car je passe par le bifrost. Tous ces efforts pour te faire éliminer. Personne n'a marché sur le croissant lumineux. Le monde dans la main de quelqu'un illuminé. Retiens bien le mot clé, c'est dominer. Aimer, détester comme Domenech. C'est déjà fini. Ma villa est située derrière l'horizon. C'est pas parce que tu dis la vérité que tu as raison. Immortel comme Ciro Di Mercio, IMNT. Sur le blason, SEXION dans la maison. Noir full black comme les tyrans de Téhéran. Y'a une top cake parfois, vérifier Téhéran. Porte de la chapelle, quelques âmes errantes. De toute façon, ceux qui vivront verront que c'est un vendredi qu'on soufflera du clairon. C'est l'argent et l'espoir qu'on perd et qu'on retrouve. Donne sans jamais, rien attendre en retour. Le doute n'a plus sa place, donc on y va. Sécurise l'avenir pour la MIFA. La peur s'installe dans les yeux de l'avocat. Sorcellerie qui sort de la boca. Tout va bien, le serpent est dans le brocard. Kilomètres, années-lumière entre moi et toi. Corbeau de mauvais augure, c'est pas sur le toit. Ton chakra est trop faible, non, tu fais pas le poids. Je suis toujours le braconnier qui a pas le bois. S'exerce sur le pif, j'ai reçu pas le bois. Ça parle beaucoup plus qu'autre chose, tout compte fait. Sa vie, ça meurt dans un conte de fées. Ça insulte tes darons avec un compte fake. Ça me parle que d'oseille, ouais, ça rend fou. Apparemment, c'est un métier.